village est réuni pour accompagner notre ami John vers la fin de l'après-midi. Personne ne manque à l'appel, les amis sont tous ici pour se raconter toutes nos histoires jusqu'aux petites heures de la nuit. Salut John, mon ami, on se voit dans une autre vie. On se rejoint au port du paradis avec Tipol et Jean-Louis. Le party va commencer. On va mettre les sangs dans un petit pot avant de se mettre à chanter. On a bu, on a fumé des cigares à sa santé. On a botché dans un cendrier qui était déjà bien pacté. Salut John, mon ami, on se voit dans une autre vie. On se rejoint au port du paradis avec Tipol et Jean-Louis. Maintenant le soleil se lève, tout le monde s'était endormi. Il est grand temps que la soirée s'achève et de retrouver nos lits. On a bien cherché les cendres, y a plus de traces du petit pot. C'est peut-être encore un tour de John avant son dernier repos. Salut John, mon ami, on se voit dans une autre vie. On se rejoint au port du paradis.